Bonjour très chers auditeurs, bienvenue sur Radio Gémozo pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Vous avez sûrement été appelé à la mobilisation du 17 novembre en faveur de la diminution du prix de l'essence. Colère, blocage, c'est ce qui attend un bon nombre de personnes pour ce samedi d'automne. Chacun est libre de ses choix et je ne me permettrai pas d'en juger. Cela dit, je pense qu'il serait plus favorable d'aller dans le sens de l'évolution plutôt que de la révolution. Qu'est-ce que j'entends par évolution ? Eh bien tout simplement, évolution personnelle, mise en place de solutions à notre échelle. Devenons consommateurs, prenons soin de nous, changeons nos habitudes, apprenons à nous aimer et à nous écouter. Je suis convaincue que cela aura plus d'impact que le fait de montrer sa colère et sa violence, qui, sans doute, ne fera pas évoluer les choses. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de l'attraction ? La loi de l'attraction fonctionne sur le principe que toute énergie attire des énergies similaires. Le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. L'univers capte notre esprit subconscient et nous recevons des expériences de vie en harmonie avec ce que nous pensons le plus. Nous transmettrons en permanence de l'énergie positive ou négative. Les autres s'en aperçoivent consciemment ou inconsciemment et réagissent en conséquence. Il serait donc préférable, à mon sens, d'aller vers des choses positives qui nous apportent du plus que vers du négatif qui nous apportera forcément du moins. Pour mettre en œuvre la loi de l'attraction de façon positive, vous devez ressentir un maximum de gratitude. Peu importe ce qui vous arrive, vous devez trouver quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et remercier intérieurement pour ça. Si vous le faites sincèrement et régulièrement, vous attirez dans votre champ d'expérience beaucoup de choses positives. Pour cela, je vous invite à venir prendre soin de vous gratuitement tout le week-end, samedi 17 et dimanche 18 novembre à la Maison des Champs au Val d'Ajol. Depuis 5 ans, Françoise Houberdon, la propriétaire du gîte, ouvre ses portes pour « Des chemins pour être bien ». Lors de ce week-end, une vingtaine d'intervenants se succèdent pour partager leur passion en animant des conférences et des ateliers sur le thème du bien-être. Je vous invite à partir à la découverte de nombreux chemins et à emprunter afin de prendre sa santé en main. Je serai présente et je proposerai un atelier d'automassage Do-In suivi d'une séance de relaxation guidée. Je serai ravie de vous y rencontrer. Vous trouverez le planning complet sur le site internet de l'événement www.deschemins.wixsite.com ou sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. Allons ensemble sur le chemin de l'évolution. Très belle journée, prenez soin de vous et à vendredi prochain.